Chapitre 10e. On imagine l'esclandre que causèrent la rupture du mariage de Mademoiselle Banner et l'arrestation de son fiancé. On n'avait pas mémoire à Marston d'un événement de cette nature. L'assassinat de Barnley accaparait partout l'attention publique, mais à Marston, on attendait les journaux de chaque jour avec une impatience fébrile. Songez donc qu'il s'agissait d'un homme jouissant de la considération universelle, un homme auquel on avait offert une théière pleine de guinées. Après l'enquête du coroner, Dezille fut maintenu en état d'arrestation et devant le magistrat de simple police, les témoins apportèrent la preuve de la culpabilité du ministre. Le perruquier, le marchand d'habits, le propriétaire de la maison où Dezille avait loué un logement, tous, sans hésitation, reconnurent le révérend de Marston. Le motif de ce crime atroce fut clairement révélé par la déposition de Philip Morgan. L'ambitieux qui voulait épouser une riche héritière avait tenté de se débarrasser de la femme qui pouvait être un obstacle à ses projets. Avant d'être condamné par la justice, Dezille était condamné par l'opinion publique. Cécile Banner, grâce au bavardage des commères de Marston, avait appris les moindres détails du crime. L'image de son fiancé, de celui qu'elle avait cru un saint, devenu un assassin, la poursuivait sans cesse. Les sœurs d'Arthur Herrett voulurent l'emmener loin de Marston, afin de rendre la paix à son esprit troublé. Elle n'y consentit pas. Elle ne contestait aucune des charges qui pesaient sur Dezille. Mais il ne fallait pas le condamner avant le verdict des jurés. Elle n'oubliait pas qu'il l'avait aimée, et si son passé était plein de honte, elle se souvenait des efforts tentés pour racheter ce passé, il songeait même à aller lui porter dans sa prison quelques consolations. Une telle idée ne pouvait germer que dans un cerveau malade, c'est ce que pensèrent du moins les dames de Marston, avec d'autant plus de logique que la jeune fille dépérissait malgré les soins des médecins et les attentions de Madame l'agent. Pour ces sortes de maux, il n'y a qu'un remède, et ce remède-là s'appelle l'oubli. David Hastings, nous pouvons restituer au pasteur de Marston son nom véritable, refusa les conseils d'un avocat. Il annonça son intention de plaider lui-même sa cause. Il ne se faisait aucune illusion sur la faiblesse de toute défense possible, mais si léger que fut son dernier espoir, il ne voulait confier à qui que ce soit le soin de son salut. À Marston, il passait pour éloquent, ce don naturel devait le servir dans cette crise suprême de son existence. Aux assises, David Hastings, qui avait fait appel à toute son énergie, se présenta avec l'apparence d'un homme innocent. Il était pâle, ses lèvres étaient décolorées, mais ses yeux brillaient au fond de leur orbite. La salle d'audience était remplie d'une foule avide de contempler la figure de l'accusé. Au nom de la couronne, l'attorney général exposa l'affaire et l'on passa à l'examen des témoins. Cet examen ne fut que la répétition des interrogatoires préliminaires qui avaient eu lieu devant le magistrat de simple police. Le prévenu était bien l'individu qui, sous le costume d'un colporteur, était entré chez la femme assassinée. C'était également lui qui avait acheté tous les objets constituant son déguisement. L'alibi, seule ressource pour David Hastings pour prouver son innocence, devenait impossible à établir. Contrairement aux usages, mais pour faciliter à l'accusé les moyens de se disculper en vertu de son pouvoir illimité, le président des assises, quand les interrogatoires furent terminés, donna la parole à David Hastings. Le révérend de Marston n'avait encore prononcé que ces mots, « non coupable », répondant à la question qui lui avait été posée au début de l'audience par le clerc de la cour. Dès qu'il se leva, dès que sa haute taille émergea du dock où il était enfermé, un silence profond régna dans toute la salle. Jamais le pasteur des dissidents ne se montra plus éloquent. Il était calme, et sa voix harmonieuse avait des accents si touchants, si émus, que l'attendrissement était général. On eût dit qu'il s'agissait pour lui moins de sauver sa tête de la main du bourreau que d'obtenir un dernier triomphe oratoire. Mais que pouvait l'éloquence contre des faits prouvés, contre une criminalité évidente? David Hastings, pendant 2 heures, tint l'auditoire attentif au récit de sa vie, de ses souffrances, de ses travaux incessants. Au cours de son plaidoyer, bien des jurés furent attendris. Ce n'était là que l'expression de sentiments passagers. La vérité subsistait toujours dans sa force, et quand l'accusé retomba sur son banc épuisé de fatigue, malgré une très belle péroraison, tout le monde était touché jusqu'aux larmes, personne n'était convaincu. Pendant le résumé du président, David Hastings demeura la figure cachée dans ses mains. Les jurés se retirèrent pour délibérer. Un silence funèbre régnait dans la salle d'audience, éclairée seulement par quelques lampes, dont la clarté luttait avec peine contre les dernières lueurs du jour. Enfin, le jury rentra. L'assemblée entière paraissait suspendue aux lèvres du chef du jury, qui eut d'abord quelque peine à répondre à la question du clerc de la cour. Ce brave homme n'ignorait pas que le verdict qu'il allait faire connaître était un arrêt de mort, et ce fut avec la gorge serrée qu'il murmura « Oui, l'accusé est coupable ». Le président se couvrit la tête du bonnet noir et prononça la sentence terrible. Il ajouta que David Hastings n'avait rien à espérer de la pitié humaine et qu'il ne devait songer qu'à la miséricorde infinie du Dieu qui pardonnait les plus grandes offenses aux pécheurs sincèrement repentants. Tout était fini, mais la foule ne quittait pas le prétoire. Elle voulait voir le condamné sortir de la salle. Celui-ci ne bougeait pas. Il restait immobile, comme une statue, le corps appuyé sur la barre du dock, la tête inclinée et le visage toujours caché dans ses mains livides. Un officier de la cour s'approcha du condamné, lui dit quelques mots à voix basse et n'obtenant pas de réponse, le toucha légèrement à l'épaule sans résultat. Une seconde fois, il le toucha plus fortement. Alors, les mains de David Hastings tombèrent lourdement et sa tête inerte roula sur les bras de l'officier. Un médecin, aussitôt appelé, déclara que la science ne pouvait rien. Le condamné était mort, frappé d'une attaque d'apoplexie ou des suites d'une maladie de cœur. Sa mort subite devait remonter à plus d'un quart d'heure. Le malheureux n'avait pas entendu son arrêt. La secte des indépendants de Marston fut longue à se relever du coup terrible qu'avaient porté à sa respectabilité les crimes de David Hastings. Mais en ce monde, tout s'efface. Aujourd'hui, les dissidents ont bâti une nouvelle chapelle où chaque dimanche un prédicateur remplace, non sans succès, le beau Deuxil. Il est même question de lui offrir une théière pleine de guinées. Offrir une théière à un révérend est une des meilleures distractions de la province en Angleterre. Cependant, les dissidents ont fait une perte sérieuse. Mademoiselle Banner est retournée à la vieille église. Aussi pieuse, aussi charitable que par le passé, elle s'occupe moins de théologie. Le temps a adouci l'horreur de ses souvenirs. On va jusqu'à affirmer que Mademoiselle Banner changera bientôt de nom et qu'elle deviendra Madame Hurret. Ce qui confirme cette opinion, c'est que dans les deux maisons, il y a une succession de thés et de fêtes champêtres où l'élite des respectables de Marston tient à honneur d'être invitée. Ainsi s'achève le pasteur de Marston par Marie-Élisabeth Braddon.